Precious Lover 2006. On est en fusion, unis et uniques, ensemble, sur une seule partition. Y'a du moi dans ton style, du wild dans tes yeux, et ça m'éblouit. Hey, Von Tyson du cœur, t'es du wild pour mon fou, et ça tu le sais. Pour ça que je prie, que je brasse en apnée profondeur. Moi je te cherche au loin, tu vis au plus profond de moi. Au-dessus de ma couette, t'es une combinaison de survie. Miroir de ma vie, tes habits s'ordonnent, tu rêves, je respire. C'est simple et parfois compliqué, comme mon cœur peut être cachotier. Tu décroches, tu m'animes, tu arrives, je frétille. Je suis un vrai poisson dans l'eau, plonge au fond de ma mare. Étang ou cours d'eau, à toi oui de voir. Hey, en secret y'a de la vase que de sable, pour au moins vivre que lâcher sable. Je souffle sirène, attends-moi, toi qui héberges sous mon cœur. Ma récompense sera le repos, après tout, t'es la seule étoile du ciel cette nuit. J'écris sans perdre mon encre, trop de larmes salées comme la mer, trop de rivage. J'suis ghetto prêcheur, ghetto prêcheur, jadis Ulysse, aujourd'hui rêveur, Résus lover. Et c'est pour toi que j'prie et candeur, hey. Je m'engageais dans cette vie sans trop définir ma place, mon abouti, j'avais pas trop où j'allais finir. Lui, il a le droit comme il dit toi. C'est dur à expliquer, mais y'a encore ça qu'il voulait croire. Elle, dans ce rêve devenait star, mais c'est sur le trottoir qui s'est transformé en cauchemar. Lui, manquait beaucoup de veines, et c'est dans sa baignoire qu'il s'est un jour coupé les veines. Elle, rêvait d'un métier fameux, mais elle n'était payée que si les mecs faisaient la queue. Lui, est un vrai fils de pute, il exploite déjà de vie pour un jour mec atteindre son but. Elle, a enterré son fils, puis a dit à son mac, moi je veux que ça cesse, je veux que ça finisse. Lui, a rigolé main fort, lui a répondu, moi je dis que tu restes, tu vaux de l'or. Elle, a osé l'insulter, lui il a violé et relancé sur le pavé. Elle, a décidé de partir, et c'est au bout d'une corde qu'elle a fait son dernier soupir. Lui, s'est dit c'est le destin, il a pris d'autres princesses pour les transformer en catins. Moi, face à ça je ne souris plus, moi. Laissez-moi clôturer par cette rime l'exode urbain. Le vent souffle et s'épuise, la chaleur monte exquise. Les vagues me bercent, l'armure de mon cœur se brise. Image se reflète et ce sentiment troublant renvoie le mirage, le soleil se couchant. Rappel à ma mémoire, malvoyante et lascive. Assez d'oublier ce que ma conscience ne peut subir. Hier n'était pas rose comme le granit de ces montagnes, ni noir comme les sous-sols qui pour tes pères étaient le bagne. Les sirènes ont changé, leur voix est envoûtante. Elles ne résonnent plus que quand la chaussée est brûlante. Fuir le quotidien ne me trompera pas bien longtemps. Ce à quoi j'échappe me rattrapera de par devant. La fuite me calme un temps, mais ne résout rien. L'homme n'a pas de tanière, constamment sur les chemins. Condamné à errer, apatride et en exil. La liberté des aides d'une vie qui ne tient qu'à un fil. Je suis en exode sur cette planète. Ex-naufragé du bitume ou cavalier des steppes.